Parler de temps sec lundi, là je retourne mon parapluie, pas ma veste, mais parce que la pluie, eh bien, elle arrive. D'abord un petit peu de bruine sur le centre du pays actuellement. Il fait encore sec sur l'est et le sud, mais ça ne va pas durer. D'abord un petit peu de bruine et puis des pluies plus compactes qui arrivent déjà par le littoral. Ça va donc se gâter d'ouest en est. Les températures restent un petit peu fraîches pour la saison. On ne dépassera pas 15 à 19 degrés aujourd'hui. Et puis demain, la zone de pluie s'évacue par l'est et on revient à des températures de 16 à 20 ou 21 degrés. Mercredi, ça devrait aller un petit peu mieux avec des maxima de 21 à 24 degrés. Attention toutefois à quelques nuages bourgeonnants et coups de tonnerre possibles en soirée. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, il faudra bientôt payer vos sacs en passant à la caisse. Oui, et quelle que soit leur matière, c'est la ministre de l'Environnement qui propose cette mesure. Elle n'entrera pas en vigueur tout de suite puisqu'il faut encore préciser une série de modalités pratiques. Le CIRE mène ce matin une action devant la gare du Nord à Bruxelles avec des syndicats. Il dénonce la fermeture annoncée de nombreuses places dans les centres faits d'asile. Ce qu'on veut dénoncer, c'est vraiment un peu le ras-le-bol de tous les 6 mois, changer de plan et ne pas avoir de vision à long terme. Et donc on est vraiment confronté à une politique qui a une vision à très court terme. Et on fera le point sur cette politique avec Baptiste Tupin. Il vous reste 10 jours pour remplir votre déclaration fiscale papier. Vous êtes nombreux à demander de l'aide pour ce faire. On appelle ça l'aide au remplissage. Reportage à l'administration fiscale de Charleroi dans ce journal. Une femme à la tête de la ville éternelle, Virginia Raggi, a été élue maire de Rome hier. Élection municipale marquée par un désaveu des partis traditionnels. Les Bleus confirment leur première place de groupe à l'Euro après leur partage 0-0 hier soir face à la Suisse. Pendant ce temps, les Diables Rouges se retrouvent à l'entraînement à 16h30 aujourd'hui pour préparer leur match de mercredi face à la Suède. Et tous les sacs qui deviendront certainement bientôt payants à la caisse. Sacs en plastique, en papier, en tissu, dans les supermarchés, les magasins de vêtements, partout des sacs payants. En tout cas, la ministre de l'Environnement, Marie-Christine Margaine, propose cette mesure. Il faut maintenant discuter des modalités pratiques. Simon Bourgeois, est-ce que ça veut dire que les sacs gratuits à la caisse, ce sera bientôt et complètement fini? Oui, c'est l'idée finie. Les sacs gratuits à la boulangerie, à l'épicerie, en achetant un t-shirt ou des chaussures, par exemple, tous les sacs à usage unique et réutilisables seront payants. Pas encore de montant exact, mais ce sera un prix dissuasif, plus que quelques centimes. Un sac gratuit à la caisse, ça n'existera donc plus, quel que soit sa matière. Objectif, inciter à venir faire ses courses avec ses propres sacs et vraiment réutiliser les sacs réutilisables. Pour le moment, pas mal de gens font l'effort d'en acheter, puis ils s'accumulent à la maison. Il faudra maintenant revenir au magasin avec. Oui, voilà pour les sacs moyens et grands. Mais la ministre va plus loin, Simon. Elle veut carrément interdire les petits sacs. Oui, les petits sacs dans les night shops, par exemple, ou les sacs de croissants, de pain au chocolat, de viennoiserie au supermarché. On parle bien ici de sacs à la caisse, donc les sacs en plastique du rayon fruits et légumes, par exemple, eux restent autorisés et gratuits. La ministre doit maintenant négocier avec les magasins et les supermarchés pour préciser les mesures, déterminer un prix notamment. Il s'agit d'une proposition, on parle bien de proposition pour le moment. Marie-Christine Margaine espère bien que les sacs deviendront payants d'ici la fin de la législature en 2019. Merci à Simon Bourgeois pour ces précisions. Les 17 membres de la commission attentat prennent le Thalys ce matin, direction Paris. Oui, les députés de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Bruxelles vont rencontrer leurs homologues français qui enquêtent eux aussi sur les attentats. Au programme, une visite symbolique à 11h ce matin de la salle du Bataclan où 90 personnes ont trouvé la mort le 13 novembre dernier. Si vous devez prendre le métro à Bruxelles ce matin, sachez que certains accès ont été fermés. Cela concerne les stations Botanique, Bourse, Hermann de Brou, Rogier et Isère. Décision prise pour des raisons de sécurité. L'attention des autorités est remontée d'un cran ce week-end après l'arrestation de personnes soupçonnées d'avoir voulu commettre un nouvel attentat dans la capitale. Ne fermez pas les places d'accueil pour les réfugiés, c'est le cri lancé aujourd'hui par le CIRE. Le CIRE, oui, la coordination et initiative pour réfugiés et étrangers, mène une action ce matin devant la gare du Nord à Bruxelles, action à laquelle se joignent plusieurs syndicats pour dénoncer la suppression de nombreuses places d'accueil dans les centres faits d'asile du pays. Fermer 10 000 places d'accueil, c'est une politique à courte vue, dit le CIRE. Écoutez sa porte-parole, Malouguet. Ce qu'on veut dénoncer, c'est vraiment un peu le ras-le-bol de tous les 6 mois, changer de plan et ne pas avoir de vision à long terme. Et donc, on est vraiment confronté à une politique qui a une vision à très court terme et qui décide sans concertation ni négociation avec le secteur, ni les travailleurs. Donc, tous les 6 mois, les travailleurs, nous sommes vraiment touchés par des plans de fermeture, de réouverture, sans vraiment une vision coordonnée. Des propos recueillis par Baptiste Tupin que l'on retrouve à la gare du Nord, d'où débute cette action. Endroit, Baptiste, qui n'a pas été choisi par hasard. Oui, je me trouve donc devant le World Trade Center où des candidats réfugiés font la file ici depuis plusieurs mois, tous les matins, on le sait maintenant. Et ce que dénoncent aujourd'hui ici la CSC et le secteur associatif, c'est la politique à court terme du gouvernement. En quelques mois l'année dernière, le gouvernement a créé des milliers de places pour accueillir les réfugiés, 18 000 exactement. Il a fallu créer des centres d'accueil de toutes pièces et aujourd'hui le nombre de demandeurs d'asile est en baisse et le gouvernement réduit donc la capacité d'accueil de son réseau. 10 000 places vont être supprimées encore cette année. Mais la CSC et le CIRE estiment que la crise migratoire n'est pas terminée, que le nombre de demandes d'asile pourrait repartir à la hausse et qu'il faudrait alors recommencer tout le travail de création de places, ce qui représente aussi une grande incertitude pour les travailleurs du secteur. Merci Baptiste, les explications de Baptiste Tupin. Réunion d'urgence à la CSC Transcom ce matin. Le syndicat chrétien s'inquiète de l'arrivée de la plateforme Bringer de Bpost, on vous en a parlé ce week-end, sorte de Uber pour les colis. Cet outil permet une distribution de colis de particulier à particulier. Selon la CSC, cela pourrait mettre à mal les conditions de travail des facteurs. La direction se veut rassurante et affirme qu'il n'y aura pas de conséquences pour l'emploi. Après 55 jours de grève, les gardiens de la prison de Forêt reprennent à leur tour le travail ce matin. Décision prise en assemblée générale vendredi dernier. Le bourgmestre de Forêt, Marc-Jean Geissels, va s'entretenir aujourd'hui avec le ministre de la Justice, Koen Gaens. Ils évoqueront ensemble la reprise du travail, mais aussi l'état de délabrement avancé de cette prison. Le bourgmestre de Forêt devrait demander une nouvelle fois la fermeture pure et simple de l'établissement. Et bien, passage ce matin au ministère des Finances en pleine période d'affluence. Effectivement, les contribuables défilent pour faire remplir leur déclaration d'impôts. Et ils sont souvent déconcertés hein, avec des fiches qui se complexifient d'année en année. Malgré les déclarations d'impôts simplifiées, les files ne semblent pas se résorber. Le reportage à l'administration fiscale de Charleroi de Maxime Paquet. La fameuse enveloppe brune des contributions provoque encore un certain désarroi. Aïe, comment je vais faire pour remplir ça encore ? Il y a ceux qui pointent du doigt la complexité sans cesse grandissante des fiches de déclaration et ceux qui admettent ne rien y comprendre depuis toujours. Il y a beaucoup de choses qui changent. C'est pas du tout évident pour remplir ça. Si on vient pas ici, on n'y arrive pas. Non, il y a plein de codes, donc j'ai jamais rien compris de toute façon. Donc... Quand on a un prêt hypothécaire, là, je vous assure qu'on se tire les cheveux. À Charleroi, ils sont 1300 par jour à venir demander l'aide au remplissage de leur déclaration. Fin juin, avant la date fatidique, on sera certainement vers 3000 personnes qu'on reçoit par jour. Emmanuel Nefontaine est directeur régional des contributions à Charleroi. Il ne constate pas d'explosion des files d'attente. De toute façon, c'est déjà très compliqué comme ça. Ça ne fait que compliquer un peu plus. Donc, nous avons toujours la même clientèle qui vient. Des personnes âgées ou des personnes qui ne comprennent vraiment rien aux papiers et qui veulent être assurées de bien remplir leurs obligations. Sur le site du ministère des Finances, un calendrier affiche les temps d'attente supposés. Plus on se rapproche de la fin du mois de juin et plus les couleurs passent du vert au rouge. Oui, on le rappelle, hein, la date limite c'est le 30 juin évidemment pour la version papier et la mi-juillet pour la déclaration en ligne. Dans l'actualité internationale, 50 000 personnes ont rendu hommage hier aux victimes de la tuerie d'Orlando en Floride. Une veillée aux chandelles et une minute de silence étaient organisées en mémoire des 49 personnes abattues dans la discothèque gay Le Pulse. À Rome, pour la première fois de son histoire, la ville sera dirigée par une femme. Oui, Virginia Raggi, c'est son nom. Elle a réussi son pari hier en remportant les élections municipales dans la ville éternelle avec 67% face aux candidats de centre-gauche. C'est une victoire retentissante pour son parti, le mouvement anti-système 5 étoiles. Un avertissement aussi pour le Premier ministre italien Matteo Renzi et un message clair au parti traditionnel. Le point avec notre correspondante à Rome, Valérie Dupont. Pour la première fois de son histoire millénaire, la ville de Rome est aux mains d'une femme. À 37 ans, l'avocate Virginia Raggi a remporté le ballottage qui l'opposait au candidat de la gauche. Avec plus de 60% des suffrages, les électeurs ont clairement fait comprendre qu'ils voulaient un vent nouveau pour administrer la capitale après des années de mauvaise gestion politique. Avec la victoire romaine, le mouvement 5 étoiles confirme qu'il n'est pas un mouvement éphémère, une météorite comme disent les journaux italiens, mais plutôt une troisième force politique avec laquelle il va falloir compter. L'Italie sort officiellement de la période du bipolarisme droite-gauche dans laquelle les électeurs n'ont jamais vraiment voulu jouer. Pour le Premier ministre Matteo Renzi, les choses se compliquent car en octobre, les Italiens devront se prononcer par référendum sur les réformes constitutionnelles proposées par le gouvernement. Le mouvement 5 étoiles pourrait venir jouer les troubles faits. Mais pour le mouvement populiste, créé voici 3 ans par l'humoriste Beppe Grillo, le moment de la responsabilité est arrivé. Après avoir critiqué à tout vent la gestion des partis traditionnels, ceux-ci ne feront aucun cadeau à la jeune avocate qui, après avoir fêté dignement la victoire, devra affronter concrètement les énormes problèmes de la capitale italienne. Et puis en Grande-Bretagne, la campagne sur le Brexit a repris quelques jours après le meurtre de la députée britannique Jo Cox. Oui, les Britanniques s'exprimeront sur leur avenir européen ce jeudi. Et dans les sondages, les camps du oui et du non à l'Union européenne sont au coude à coude. Ce Brexit, on en parle beaucoup chez nous aussi, notamment dans le parc d'attractions Mini-Europe à Bruxelles. Qu'adviendra-t-il des maquettes de Big Ben ou de Douvres si la Grande-Bretagne venait à sortir de l'Union? Hélène Maquet s'est rendue à Mini-Europe pour tenter de répondre à la question. Au pied de Big Ben, des personnages d'une dizaine de centimètres manifestent. Un couple de Hongrois passe par là et voit tout de suite de quoi il s'agit. Yes, it's about the Brexit. Mini Europe a choisi de suivre avec humour l'actualité européenne. Claire Morales, directrice administrative. En mettant un groupe qui est pour le Brexit, un groupe qui est pour le maintien dans l'Union européenne. Et comme vous le voyez, au milieu, on a un personnage qui dit « Je ne suis ni pour ni contre, mais j'aime bien promener avec un panneau. » Et si la Grande-Bretagne sortait vraiment de l'Union européenne? Si c'est le cas, cette maquette ne pourra pas rester. Pourquoi est-ce qu'elle ne pourra pas rester? Parce que ici, Mini Europe a choisi le thème de l'Union européenne et de représenter des maquettes appartenant aux pays de tous les pays qui appartiennent à l'Union. En tout, il y a 6 ou 7 maquettes britanniques que mettre à leur place le cas échéant. Un groupe d'Anversois venu fêter un anniversaire a bien une suggestion. On est assez fiers de notre ville, donc il y a encore assez de place, je dirais, pour mettre quelques bâtiments anversois. Entre eux, ils discutent et imaginent déjà le maire, grande artère commerciale d'Anvers, passer à 2 pas de la Tour Eiffel. C'était un reportage d'Hélène Maquet avec les moyens techniques d'Anne-Carole Severne. 8h12, c'est le 8-9 sport. France, Suisse, Albanie, Roumanie, c'est le classement du groupe A à l'Euro de football. Oui, ces 4 équipes en ont terminé avec la phase de groupe. La Roumanie est éliminée après sa défaite face à l'Albanie 1-0 hier soir. L'Albanie termine donc 3e et devra patienter pour savoir si elle figure parmi les 3 meilleurs 3e qui poursuivront l'aventure en 8e de finale. La France a de son côté partagé l'enjeu 0-0 face à la Suisse hier soir. Elle termine donc 1ère du groupe. C'était l'objectif de Didier Deschamps, le sélectionneur qui aurait tout de même espéré une victoire hier soir. On l'écoute. Tout le monde espère mieux, les joueurs aussi, moi aussi. Je regarde les autres matchs aussi. Il y a peu d'équipes qui dominent réellement leur sujet. Le premier objectif est atteint, à savoir on se qualifie pour les 8e. On finit 1er. Voilà, après, je suis pas aveugle, je me rends bien compte qu'on est capable de mieux faire. Mais il y a une deuxième compétition qui va commencer pour nous. Et ça va être dimanche prochain. On a une longue semaine, donc on aura le temps de se préparer. Et ce lundi, 2 rencontres du groupe B, match à risque entre la Russie et le Pays de Galles. Ce sera à 21h à Toulouse. Dans le même temps, la Slovaquie affrontera l'Angleterre à Saint-Étienne. Aucune équipe n'est encore qualifiée dans ce groupe. Et pendant ce temps, les Diables Rouges préparent leur rencontre de mercredi. Ce sera face à la Suède, David Bertrand. Oui Catherine, avec une séance prévue à 16h30 aujourd'hui au centre d'entraînement du Haillan à Bordeaux. Hier, seuls les réservistes et les 3 gardiens, Thibaut Courtois y compris, ont eu droit à un entraînement. Les titulaires du match contre l'Irlande sont restés aux soins. Ils ont fait une petite sortie en vélo en guise de décrassage. Parmi eux, Kevin De Bruyne transcendé face à l'Irlande par rapport à ce qu'il avait affiché contre l'Italie. Mais comment expliquer ce double visage? C'est la question posée par Manuel Jousse, au joueur de Manchester City. Je sais pas. Je pense que j'ai aucun problème privé. Je me sens bien et même après le match contre l'Italie, j'avais pas de problème avec la critique. C'est le foot. Et je pense que la seule chose que je peux faire, c'est réagir sur le terrain et j'ai essayé de faire ça. C'était pas mon meilleur match contre l'Italie, mais ça se passe. Hein. On joue 60-70 matchs par année. Ça va pas être tous les 60 matchs très bons, mais aussi pas très mauvais. Et la question qui est désormais sur toutes les lèvres, c'est de savoir évidemment si les Diables vont changer leur façon de jouer. Doivent-ils céder la possession de balle pour privilégier le contre? Le débat est lancé. Réponse mercredi à 21h face à la Suède. Le match se déroulera à Nice en vol vers la Riviera, prévu demain pour toute la délégation noir-jaune-rouge. C'est noté, ce sera suivi. Merci David Bertrand. Et je constate à ce stade que Thierry Luther, ce qui joue les Diables, n'a pas envoyé une seule carte postale. Rien. Ni de Lyon. Pas ni une de lettre, rien. À vous non plus. Rien, pas un coup de fil. Un message? Rien, un zéro, rien. Je suis sûr qu'il tient la main au WAGS. Qu'il est WAGS. Les femmes de footballeurs, enfin. Ah, pardon. C'est pas une, mon ami. Excusez-moi d'avoir. Faites semblant seulement. Excusez-moi, les vieilles personnes comme moi ne connaissent pas tous vos mots. Au mieux, je peux dire cool. Donc une WAGS, c'est quoi? C'est cool. Une femme de footballeur, une WAG. Et vous croyez que Thierry Luther rencontre les WAGS? Ah oui, ils les rencontrent. Elles sont venues, non, après le match? Oui, elles sont venues, oui. Alors, parce que j'apprends le parler jeune avec Sarah Depardieu et Jérôme de Warzé, c'est un comble. Là, tous les jeunes seraient malades. Quelle est la différence entre une MILF et une WAGS? Enfin, d'abord, les WAGS sont plus jeunes qu'une MILF. Qu'une MILF et les mamans, déjà. Voilà. MILF et les mamans. Ouais. Mais elles sont toutes. Enfin bon, bref. Et donc, il y a moyen de faire tout un dossier. Aussi. Vous allez me faire une matinée sur les WAF, les MILF, les. Pas les WAF. Et les POUF et les autres. Bon, alors, 8h16, voici un nouveau 8-9. Prête à surfer l'immense vague et trébucher sur un château de sable? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20€. Europassistance.be, you live, we care. On descend sur la route tout de suite, rejoindre Philippe Vansinbrugge. Ici sur le 40 que c'est compliqué ce matin. Pourquoi? Parce qu'il y a un accident à hauteur de Mélin dans le sens du plateau de Herve vers Bruxelles. Accident qui occasionne 20 minutes de temps d'attente supplémentaire sur 5,5 km sur le 40 depuis Chéneux. Donc soit avant ou juste au moment de l'endroit de l'échangeur de Baptiste, je trouve mes mots. Philippe, qu'en est-il du reste? Eh bien pour nos autoroutes, c'est bien entendu la descente de Barchon, et vous venez de le dire, au niveau de Mélin qui pose un petit peu problème, où c'est un petit peu plus dense. Mais sinon, je dois bien dire que vous ralentissez encore un petit peu entre Longsaint et Buranville. Sinon, c'est un ring liégeois assez roulant qui vous attend. Pour Liège, toujours aussi fluide en règle générale. Un peu de rétention sur le pont Albert 1er en sortie de tunnel sous fluvial. Et sinon, ça roule bien sur l'ensemble du réseau. Et puis, ce chantier mobile à vous signaler sur la E25 à hauteur de Emroule. C'est au kilomètre 80 en direction de Liège. La monte de gauche est fermée à la circulation. Merci Philippe et à tout à l'heure. Vos yeux exigent le parfait. Chez Optique Buisseret, profitez du meilleur confort visuel. À l'achat d'une paire de verres Varilux, Optique Buisseret vous offre jusqu'à 500€ sur la seconde paire. Conditions en magasin. Optique Buisseret, rue des Clarisses et Galerie Opéra à Liège et à Marche. Optique Buisseret. Le 8-9. Bon, tranquille pépère ce matin. Thierry Luther, c'est effectivement celui des Diables Rouges, on l'appellera tout à l'heure. D'abord, pour débriefer un peu le match de ce week-end contre l'Irlande, le 3-0. Bravo Madame De Bruyne, puisque enfin... Il a bien joué. Ah oui, il a fait... Et le premier but de Lukaku, c'est... L'assiste. Et vous avez vu, Lukaku, il fait ouais, et il y a Kevin qui veut le rejoindre, parce qu'il a quand même fait l'assiste. Ouais, et comme il a nié, grave. Ah, il a nié De Bruyne. Lukaku a nié De Bruyne. Je rappelle qu'il y a un bashing anti-Lukaku dans le chef de Madame Depardieu. Non, il était très semaines. Bien, cela dit. Pourquoi semaines. Insinuez-vous le verre dans le fruit, alors que tout va bien? Bon, bah alors on débriefera avec lui le match tout à l'heure et puis on commentera surtout le prochain, parce que mercredi, la journée est décisive, évidemment. Hein, journée décisive, puisqu'il faudra battre la Suède, en tout cas prendre un point pour être sûr de faire quelque chose. Notre invité ce matin est un jeune chanteur que vous entendez peut-être sur Viva, qui est ce jeune homme qui s'appelle Navi et qui chante J'écoute du Miles Davis. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Alors il est tout jeune, je l'ai dit tout à l'heure, mais il pourrait être le fils de Sarah, peut-être même le petit-fils de Catherine Tonnerre. Faut pas exagérer quand même, il a quel âge? On va voir si c'est possible. Ah bon, il a une bonne vingtaine. Oh, attendez, non. J'aurais été maman à 16 ans. Eh bien, écoutez, non, non, oui. Non, eh bien, on refait. Et d'ailleurs, il est né... des choses à vous dire. Et à vous apprendre. Ah, il est né en 1994, donc aujourd'hui ça fait... 22? Ça fait 22. Il pourrait être votre fils ou pas? Oui, ça pourrait. Biologiquement, ça pourrait. Mais j'étais pas prête à ce moment-là. Catherine, il pourrait être votre fils? Non. Il pourrait être mon frère, mon petit frère à le même âge. Tandis qu'il pourrait être le fils de Jérôme. Oui. Le petit-fils. Voilà, voilà, je l'attendais celle-là. Voilà, ben voilà, voilà. Je t'ai vu avec ton grand-père. Non, c'était mon père. C'est ce qui arrive. Non, c'était mon cousin. Voilà. 8h19. Voici le cactus de ce matin. Le cactus qui se penche sur la polémique liée à la facilité déconcertante, selon les enseignants, de l'épreuve de français de CE1D. C'est l'examen pour les élèves de deuxième secondaire. Mais oui, parfaitement, Benjamin. Des professeurs indignés, des parents outrés. L'épreuve de français du CE1D aurait pu être réussie par des analphabètes comme ses pieds, dixit un enseignant. Un autre ayant avoué avoir pleuré lors des corrections. Alors, ces critiques sont-elles fondées ? Nous avons laissé traîner notre micro dans une classe avant l'épreuve de dictée qui vient d'avoir lieu encore tôt ce matin dans un athénée de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On se tait le matin. On se tait, surtout toi, Benjamin. Oui, je sais, c'est difficile le matin, je sais, oui. Sarah, on cesse d'être dissipé. Oui, je sais, ça, c'est impossible. Ah, Catherine, ah, tu es à l'heure pour une fois, c'est très bien. Bien, alors. Je rappelle que cette épreuve de dictée compte pour l'obtention de votre CE1D. Attention, je te surveille, Benjamin. On ne copie pas sur son voisin de Sud-Presse comme pour les sujets de l'examen du CVQLD. Plus un bruit, je commence. La dictée cette année s'intitule « Grandeur et décadence des démiurges herculéens ». Bon, le titre, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Je commence. Romelu Lukaku. Sarah, Romelu en un mot, Sarah. Sinon, ça donne Rome et Lou. Ça ne veut rien dire, Sarah. Romelu Lukaku et Toby Alderweireld. C'est piège. Hein. Alderweireld, pardon, Catherine. Bah, Alderweireld, bah, comme ça s'éternue, hein, Catherine. Alderweireld, bon. Romelu Lukaku et Toby Alderweireld sont beaux. Voilà les enfants, déjà la fin de la première des deux parties de votre dictée, vous donnant droit à la certification post-évaluative des passations de surcompétences tétralinguistiques du continuum parascolaire. Ça, vous ne devez pas le retranscrire non plus, même nous, on n'y arrive pas. N'oubliez pas de bien vous relire, surtout concernant le fond. Pour la forme, vous le savez, l'orthographe ne vaudra que pour un 18e des points, qui pourront néanmoins être récupérés si vous arrivez à bien orthographier votre prénom. Attention. Deuxième partie, qui ne concerne pas bien sûr ceux qui avaient déjà atteint un total de 41% au contrôle de l'année, ni les dyslexiques, les dyspraxiques, les dyscalculiques, ainsi que ceux qui ont déjà doublé, voire triplé, sans oublier les primo-arrivants, les deux sur partie, les tertiaux revenus, enfin bref. Benjamin, Sarah, Catherine, il ne reste que vous trois pour la seconde partie du test de dictée sur une classe de 62, c'est pas mal. C'est une belle performance. On reprend. Marc Wilmots a dit, plusieurs personnalités, c'est un pluriel. Marc Wilmots a dit, attention, ouvrez les guillemets, dessinez les deux crolettes, Où est-ce que si j'aurais écouté Stéphane Powels, bien le S.A. Powels, Catherine, très bien, tout de suite, il y a plusieurs personnalités. Nous eussions, mais à mon avis, là, il y a une erreur. Il n'a pas dit ça, et c'est du préservatif postérieur, donc je ne le compterai pas. Nous eussions, incroyable, pu, oui, on peut l'écrire aussi avec S, Benjamin, c'est un synonyme de sébum. Nous eussions pu perdre face à l'Irlande. Non, pas l'Islande, Catherine. L'Islande, c'est à côté de la Norvège. Très bien, Sarah, très bien. Donc je relis, si j'aurais écouté Stéphane Powels, nous eussions pu perdre face à l'Irlande. Voilà qui clôt la dictée du CE1D cette année. Je vous rappelle que la cotation de cette dictée se fera sur 20. 5 points pour le style. 5 autres points pour la propreté et les 17 autres points sur la mise en page factuelle des éléments de conceptualisation littérosyntaxique. Enfin, je vois Marie-Martine cet après-midi, je lui demanderai des éclaircissements, les enfants. Enfin, si j'ai le temps, parce que j'ai d'autres choses à lui proposer. Vous comprendrez quand vous serez plus grands, les enfants. Voilà. À demain pour le CE1D d'histoire, entièrement consacré à la période Mexico 86. Ouais. Bonne récré, les enfants. Ah, vous irez lire dans la presse ce matin. Il y a toute une série d'articles sur le CE1D, notamment cet exercice très difficile où il faut reconnaître, donc on a donné apparemment un texte aux enfants, il y a 4 chats. Oui. Et dans les 4 photos, il n'y a qu'un seul chat noir. Ouais. Et donc une des photos de l'examen, c'est qui est Flocon ? Flocon est le chat noir flanqué d'une tache blanche. Sauf qu'il n'y a qu'un seul chat noir dans tous les chats. Ah bah oui, mais oui, c'est ça la conclusion. Oui. Bah oui, donc Flocon est facile à identifier. L'hommage au corps enseignant, tout ça pour parler de Marie-Martine, la ficelle est grosse de Jérôme. Il y a un chat écrasé aussi et il s'appelle Compote. Et alors il faut aussi essayer de trouver... C'est une belle histoire, Flocon et Compote. Ah bah, ils sont sur un bateau, il y en a un qui tombe à l'eau, bah, il n'y a plus de Compote. Bon, à revoir sur la page Facebook du 8-9, bien évidemment. Hein. C'est à dispo 24 heures sur 24. Vous voulez jouer tout à l'heure et raconter votre week-end, inscrivez-vous au Kikadi. Une citation identifiée, un cadeau et un mot imposé à Jean-Luc Fong pour le live de vendredi. Kikadi, c'est au 3063 SMS. Je veux jouer, nom, prénom, coordonnées complètes. Vous raconterez votre week-end. Vous avez fait quoi ce week-end, Jérôme? Vous avez fait quoi, Sarah, ce week-end? Diable Rouge, évidemment. Diable Rouge, Jérôme? Non, moi, j'étais en relaxation zen, dans une lamasserie tibétaine. Ça ne se voit pas. Oui, c'est ça. Et Catherine a fait son ménage, j'imagine. Et le match, quand même. Et vous avez fait vos carreaux? Non. Non, ah, pas cette fois. Comment ça? Pas cette fois. Alors l'hygiène. Bon, 8h25, voici le zap avec télépro.be. Non, mais dites donc. Gérard Depardieu, Sarah, oui, était dans un film coquin. Apparemment, aurait été. Mais... On revient sur le rififi autour du Festival de Cannes, 69e édition. Du coup, Rocco Siffredi invité, il monte les marches avec deux femmes autour de lui et Gérard Depardieu qui le apprend pas bonne du tout et qui nous dit « Je ne veux pas parler comme un vieux con, même si j'en suis un, mais c'est complètement porno. Cannes ne mérite pas ça. » Donc ça, c'était au Festival de Cannes, Depardieu. Et Rocco Siffredi répond dans le journal Le Monde, alors qui l'eût cru, oui ? Dans le journal Le Monde, on a l'interview de Rocco Siffredi qui répond et qui nous dit « Je ne comprends pas la réaction de Gérard Depardieu, c'est un acteur que j'aime. De plus, je me souviens vaguement d'avoir partousé avec lui en nous traitant de « j'ai l'impression qu'il s'adresse à lui-même. Oui. » Donc, voilà, est-ce que c'est vraiment vengeance à 200% et c'est pas vrai ou alors il y a du vrai et alors donc Gérard Depardieu aime bien ça. Bon, vous le savez, je connais Rocco. C'est un ami. J'ai participé à une émission avec lui sur la télé. Oui, c'est vrai, il y a longtemps. Un homme absolument charmant et sympathique qui m'a dit beaucoup de choses très intéressantes. Ceci dit, l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce qu'ils l'ont fait en dehors, c'est pas forcément dans un film. Je pense qu'ils l'ont plutôt fait en dedans, si je peux me Et c'était plutôt en privé, à mon avis. Oui, c'était en dehors de la pellicule. Rocco Siffredi qui dit quand même dans Le Monde, si j'en avais une plus petite, je ne serais pas Rocco Siffredi. Oui, ça a du sens. Ça, c'est un certain sens de la mesure. En même temps, encore que dans mon souvenir, dans les valseuses, je ne sais pas si vous avez vu les valseuses à l'époque avec Miu Miu, il y a Miu Miu d'un côté, il y a Gérard Depardieu, ils m'ont l'air un tantinet nu dans le truc. Ils le sont complètement, mais est-ce qu'ils le font vraiment? Je ne crois pas. Il y a eu une rumeur disant qu'il l'avait fait vraiment. Oui, et avec Rocco Siffredi aussi, il y a des rumeurs comme quoi il le faisait vraiment dans les films. Et... Alors tranchons, parce que nous avons deux Hidalgo. Donc à physique actuelle, Catherine, à physique actuelle, vous préféreriez une soirée bunga bunga de par Dieu ou avec Siffredi? Vous êtes obligé par la loi d'en prendre un des deux. Je ne pourrais choisir, vraiment. Non, vous êtes obligé par la loi d'en prendre un des deux. Non, non, vraiment, les deux m'inspirent. Elle prend les deux, elle prend de la même façon, donc... 6000 femmes pour Rocco Siffredi. Donc il y a eu du monde. Moi, j'aurais peur des maladies, personnellement. Il y aurait une fierté quand même être la 6001e. Ah non, c'est trop. 6000 femmes. Quand il y en a trop avant, non. Sarah, entre Jérôme, Depardieu et Rocco à physique actuelle, physique actuelle. Et vous êtes obligé par la loi. Lequel des trois? Vous avez inclus Jérôme? Excusez-moi. Vous l'avez Jérôme Depardieu. Je crois que ça insinue le doute. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce lundi, Slovaquie, Angleterre et Russie, Pays de Galles. Les deux derniers matchs du groupe B. But après but avec la rédaction des sports. Et dès 20h en direct de Nice avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com et l'Office du tourisme et des congrès de Nice. C'est beau, donc c'est cher, les boilons sont feignants, les seniors sont dépassés. Ça te fait bondir, non? Si je te dis que chez Doravé c'est cher, ça devrait te faire le même effet. Ne te fie pas aux clichés, va vérifier. La vérité, c'est que chez Doravé, ils ont le sens du conseil, du service et du suivi client. Et c'est vraiment pas plus cher. Doravé, vente, installation et dépannage en électroménager. 5 boulevard Franquignoul à Liège, à deux pas de la Médiacité. Parking relax. La maison Doravé fait partie du groupe Sélection et ses 168 magasins en Belgique. C'est moi, Hip. Nos Diables Rouges vont faire suer les Suédois. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10%. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Waouh, ces lignes séduisantes. Le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 euros d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Et vous nous rappelez, Catherine, l'actualité de ce lundi. Oui, les députés de la commission attentats se rendent à Paris aujourd'hui. Ils y rencontreront leurs homologues français qui enquêtent aussi sur les attentats. Au programme à 11h ce matin, la visite symbolique de la salle du Bataclan. La première femme maire de Rome s'appelle Virginia Raggi. Cette avocate de 37 ans fait partie du mouvement 5 étoiles qui a gagné hier les élections municipales dans la ville éternelle. En football, la France et la Suisse sont qualifiées pour les 8e de finale de l'Euro. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 0-0 hier soir. Et pendant ce temps, les Diables Rouges préparent leur rencontre de mercredi face à la Suède. Entraînement prévu à 16h30 cet après-midi. Une zone de pluie assez faible va traverser le pays. Asnes, cool, relax pour gagner toutes les régions au fil des heures. Les éclaircies vont un peu résister sur l'est. Puis après, le vent se renforce et puis c'est l'aventure. 19 degrés les maxima, il est 8h30. Bonjour Françoise Dubois. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. À quelques jours de la signature d'un protocole d'accord sur la modification de la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, Écolo jette un pavé dans la mare, ou plutôt dans le fleuve. Marc-Yves de Sem, les Verts s'inquiètent de l'avenir d'une presqu'île qui battra bientôt pavillon néerlandais. Et oui, il faut le savoir d'ailleurs, au total, la Belgique va recevoir 3 hectares des Pays-Bas et va en céder 50, et notamment cette presqu'île de l'Islal à viser sur un site classé et sous protection Natura 2000. Cette réserve naturelle n'est accessible par voie terrestre qu'en passant par les Pays-Bas. Et en cas d'intervention policière, par exemple, il faut soit demander l'autorisation à nos voisins néerlandais de passer par leur territoire, soit intervenir en bateau, ce qui n'est évidemment pas très pratique, d'où cette décision de modifier la frontière. Des assurances ont été données à Écolo en matière de respect de l'environnement, mais le contenu du protocole d'échange de territoire a relancé ses craintes. Oui, car pour les Verts, ce texte annonce le détricotage de la protection des sites concernés après leur cession aux Pays-Bas. Écolo réclame des garanties et s'interroge par ailleurs sur la validité constitutionnelle et juridique de la procédure en cours. Le problème sera débattu ce soir au conseil communal de Visé, et cela à l'initiative du conseiller écolo Martial Mullenders. La rectification officielle de frontières doit en principe avoir lieu dans la seconde moitié de cette année. Merci Marc. Contrairement à d'autres établissements, la grève des agents pénitentiaires se poursuit à la prison de Lantin. C'est la décision prise 61 pour, 42 contre et 3 abstentions par l'Assemblée du personnel vendredi. Aucune nouvelle Assemblée n'a été programmée pour l'instant. Côté syndical, on reconnaît qu'il devient de plus en plus difficile de mobiliser le personnel pour de nouvelles actions. La lutte contre les sectes, ce n'est plus la priorité des pouvoirs publics ces derniers temps. La sûreté de l'État et les services de renseignement se concentrent surtout sur le terrorisme. Et pourtant, le prosélytisme des groupes religieux ou convictionnels qui abusent parfois de la faiblesse de leurs ouailles ne diminue pas. C'est dans ce cadre que les services sociaux de la province de Liège viennent de conclure un partenariat pour l'accueil des victimes des dérives sectaires. Un partenariat avec l'association Aviso, jusqu'ici plutôt discrète. Michel Gretry a rencontré son président, le député André Frédéric. C'est en tout cas un constat que nous faisons depuis déjà plusieurs années. Une augmentation du phénomène en quantité et une diversification du champ d'action. On est passé des sectes apocalyptiques, la fin du monde, vers des organisations à dérive sectaire dans le domaine du développement personnel et surtout de la santé. Alors on s'est rendu compte il y a 3 ans qu'il n'y avait pas de structure d'accueil pour les victimes des dérives sectaires. Et donc nous avons mis en œuvre cette association qui s'appelle Aviso. Un Aviso est un bateau qui lutte contre les sous-marins. C'est tout un symbole. Alors des fiches techniques sur l'un ou l'autre organisme, ça vous êtes en mesure d'en fournir. Mais l'aide aux victimes, vous avez cherché un partenariat. Et nous avons enfin trouvé un interlocuteur institutionnel qui est la province de Liège, qui a des services sociaux, professionnels, psychologues, juristes, assistants sociaux. Et nous avons donc signé ce matin une convention de collaboration. Tout qui s'adressera demain à Aviso, tout qui demandera un accueil, une écoute active et peut-être un suivi dans ces domaines-là, sera suivi par les services sociaux de la province de Liège. Et si vous voulez contacter Aviso, un numéro de téléphone, le 04 237 93 15 ou une adresse l'adresse mail vides@provincedeliege.be. Il y aura assemblée générale ce matin en fonderie Magotto à Champfontaine. Cette usine fabrique des boulets de broyage, notamment pour les cimenteries. Fin du mois dernier, la ligne de production était mise en veilleuse jusqu'au mois de septembre. La décision inquiète les travailleurs. Ils constatent que de plus en plus de commandes sont traitées par les sites asiatiques du groupe chilien patron de Magotto. Ils craignent une fermeture. Être une femme réfugiée, c'est une situation qui n'est guère enviable, une situation encore plus difficile que celle des migrants masculins. Sur la route de l'exil, les femmes réfugiées sont régulièrement soumises à des violences sexuelles, elles sont aussi racketées, et quand elles arrivent à destination, là aussi, leur sort n'est pas des plus faciles. C'est ce qu'ont voulu montrer les femmes prévoyantes socialistes avec cette pièce, baptisée Les Inouïs, qu'elles ont fait jouer à Liège, place Saint-Léonard, dans un camion pour symboliser le voyage de ces femmes. François Bréban a recueilli les explications de Julie Gillet. Les femmes réfugiées, elles ont tout un tas de spécificités. Par exemple, pourquoi est-ce qu'elles quittent leur pays ? Il y a tout un tas de raisons qui sont propres aux femmes. Parce qu'elles ont peur d'un mariage forcé, ou parce qu'elles ont peur de mutilation génitale, ou parce qu'elles ont été victimes de viol. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire comprendre. Est-ce que les femmes réfugiées ont plus de mal à trouver leur place dans la société, la nôtre, celle dans laquelle elles se sont réfugiées ? Oui, les femmes ont beaucoup plus de difficultés. Déjà, premièrement, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent seules avec leurs enfants, par exemple. Et c'est encore plus compliqué de s'intégrer, de trouver un logement, déjà tout simplement. Il y a tout un tas de propriétaires qui ne vont pas vouloir leur louer pour trouver un emploi, parce qu'elles ont leurs enfants, elles doivent les faire garder pour trouver un emploi, mais en même temps, être femme réfugiée, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et puis il y a toutes les barrières culturelles, toutes les barrières économiques, il y a tout ça, tout un tas de choses qui s'ajoutent en fait. Julie Gillet avec François Bréban. En sport, il était considéré comme le grand favori et Régis Thonon a parfaitement assumé ce statut puisqu'il a remporté hier le 35e jogging de Verviers et cela pour la première fois de sa carrière. L'athlète malmédien s'est imposé sans discussion avec plus d'une minute d'avance sur son plus proche poursuivant. La première dame est liégeoise, il s'agit de Sandrine Host qui a terminé sa course en 51 minutes 20 secondes. Et c'est la fin de ce journal, je vous souhaite un excellent lundi. Et à 9h, c'est vous qui le dites, trois débats sur la table. D'abord, d'après les statistiques officielles, un Wallon est au chômage depuis 42 ans. 42 ans. Vous l'enviez, vous le plaignez, vous le détestez. Attentat, ça recommence. On dit que les grands de la place Rogier étaient visés. Ce matin, des entrées de métro sont fermées. Honnêtement, faut-il éviter Bruxelles? Et puis un fumoir installé juste devant l'entrée de l'hôpital de la Citadelle à Liège fait polémique. Un fumoir devant un hôpital, est-ce que ça incite à fumer? Est-ce qu'il faut le retirer? Zoé Boss, standard ouvert. Et plus que 10 émissions avant notre pause annuelle et donc très peu de temps pour composer le 0 70 233 466. Pour vos textos, composez le 30 63 50 cents par message. Si vous êtes au boulot et que vous voulez faire semblant de travailler tout en commentant notre émission, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. C'est le moment de descendre sur la route avec Philippe Van Steenbrugge et bonne nouvelle du côté de Melun pour commencer. Effectivement, c'est fini pour cet accident à hauteur de Melun. Herve, donc encore un peu de patience, bien entendu, sur cette E40 en direction de Bruxelles, le temps que les fils se dissipent. Et puis, c'est fluide en descente de Barchon, bien entendu. Vous ralentissez dans les travaux à hauteur de Sarlespa sur la E42 en direction de Bâtisse. C'est un peu plus dense dans le tunnel de Cointe entre Chesnay et Buranville. Par contre, dans l'autre sens, c'est bien fluide. Pour le réseau secondaire, ça coince du côté du Sartiment en descente vers Sclessin via la chaussée du Sartiment. Ralentissement à viser avenue Dupont et avenue Albert 1er. Et puis ce chantier mobile à vous signaler sur la E40 à hauteur de Thymistère. C'est au kilomètre 112 en direction de Bruxelles. Seule la bande de droite est ouverte à la circulation. Attention que la vitesse est limitée à 70 km/h. En ce qui concerne les axes vers Bruxelles, ça freine entre Bierge et Léonard sur le 411. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. De 8 à 9, le 8-9. Au programme ce matin, une rencontre avec un jeune talent que vous entendez sur Viva depuis quelques semaines déjà, qui s'appelle Nevy. L'album s'appelle Tout à donner. Un extrait d'ailleurs de ce que vous entendez sur Viva depuis quelques jours. J'écoute du Miles Davis, c'est ce tube. Mais qui se cache derrière Nevy? Voici un extrait

Vous savez qu'on a The Voice en Belgique aussi, qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de percer dans la musique et de se lancer. Il y a un truc qui va faire baver tout le monde d'envie. Donc ce petit gars, quand il s'appelle encore Yvan, qu'il n'a pas vu sa sœur, c'est une histoire, un destin. Vous ne l'avez pas vu longtemps? Ça veut dire quoi, votre sœur? Elle habite dans le sud et moi j'habite un peu à l'opposé là où elle est. Ok, quasi orphelin. Sa sœur, il ne la voit plus. Non mais, c'est pas pour ça qu'il n'a plus de parents. Enfin, mais ça n'a rien à voir, enfin. Si, c'est l'histoire. Bon. Et à 16 ans, il reçoit un mail d'Universal et vous allez à 16 ans signer un contrat avec eux. Contrat d'édition, oui. Ça veut dire quoi? Bah en gros, c'est un contrat qui dit on va travailler ensemble. Mais du coup, de là, c'est suivi une petite année d'attente où on savait pas vraiment quoi faire. Et le jour de ma signature de ce contrat, j'ai rencontré Johan Mallory, qui m'a épaulé dans l'écriture des textes de l'album, parce qu'à ce moment-là, j'arrivais pas vraiment à mettre en forme mes idées. Et depuis, j'écris mes petites chansons. Non, mais à 16 ans, c'est dingue. Et papa travaille chez Universal ou pas? Ah, peut-être. Non, même pas. Non. Mais vous faites quoi à 16 ans? Vous êtes à l'école, au lycée? Vous êtes quoi? À ce moment-là, je suis pas très assidu en cours, à vrai dire. Donc je passe plutôt du temps à jouer avec mes copains devant le lycée. Ce qui plaît pas vraiment à mes profs, mais ces profs en question sont assez contents maintenant de ce qui m'arrive. Oui, en même temps, ça a du sens que ça plaise pas aux profs à ce moment-là. Vous êtes cette bande de jeunes qui traînent devant l'école en fumant des cigarettes? Je faisais partie de cette bande-là, oui. Oh mon Dieu! Je dois sortir du studio. Ah bah attendez, 2 secondes de blanc, ça, signe de désapprobation. Les jeunes guitaristes comme ça, super doués, super beaux, c'est des coups à nous prendre toutes nos gonzesses. On ne peut rien faire contre évidemment, ça, rien. Et vous savez quoi? Les hommes avec du ventre gagneront au final. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Donc Nevy, on a le single en tête. Est-ce que ça veut dire tournée pour vous? C'est quoi la suite maintenant pour vous? Alors la suite là, c'est des concerts, c'est aller défendre l'album en live, parce que j'ai vraiment envie de miser là-dessus, montrer qu'il y a de la musique derrière des chansons qu'on voit à la télé. Et puis donc c'est une date parisienne, c'est les premières parties de Kenji encore. Vous avez fait les premières parties de Christophe Maé aussi. De Christophe Maé, ouais. De Tal, qui est venu de la Luan semaine dernière. Oui, mais je l'ai croisé, j'ai fait un duo avec lui cette semaine. Vendredi soir. Exactement. Sur TF1. Voilà, et il m'a dit « On t'a entendu en Belgique ». J'étais très content. J'aime bien cette imitation de Christophe Maé, elle est délicieuse. Ouais, il a cette petite accent. L'accent du Sud, quoi. Il a dit qu'il faisait plus « ding, ding, ding, ding, ding ». Il veut plus le faire. Vous saviez qu'il voulait plus faire « ding, ding, ding, ding ». Ah non, je savais pas, mais je suis content de l'apprendre. Il veut plus. Il veut faire quoi du coup? Ah bah il veut faire toutes les autres, mais... Dong, dong, dong, maintenant. Il va changer la sonorité juste pour... voilà. Grâce à nous. Voilà. Grâce à nous. Merci d'être passé ce matin, monsieur Yvan, donc monsieur Nevy. L'album s'appelle Tout se donner. Et avant de vous laisser filer, peut-être un conseil très pratique pour les parents qui écoutent ce matin et qui ont des enfants de 16 ans qui fument des cigarettes devant l'école. Que doivent-ils faire? Avoir du courage. Je pense que... Ça n'ira pas. Et faire de la musique. Ça n'ira pas. Voilà, eh ben, toutes nos condoléances. Merci d'être passé ce matin, Nevy. Grand merci à vous, merci beaucoup. Dans un instant, c'est le Kikadi au 3063 avec Je veux jouer. Vous entrerez dans la bande qui fume des cigarettes devant l'école. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini-format, premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. Ouvrez la bouche et dites « Ah ». Bougez les yeux. Ouais, toussez maintenant. Vous êtes en pleine forme. Un petit bonbon. En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit de votre voiture pour des vacances sans souci ou pour la revendre au meilleur prix. Conditions et concessionnaires participants sur checkupete.be. Camille, vous cherchez quelque chose? Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge. Mais ne restez pas planté là. Allez, hop, hop, hop, cherchez avec moi. Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure pour retrouver vos affaires d'été. Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour réaliser le dressing de vos rêves. En plus, chez Camber, en ce moment, c'est l'action été. Camber, more space for your place. C'est moi, Hip. Nos diables rouges vont faire suer les Suédois. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les diables rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10%. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné Télé Revue et 365.be. Le 8-9. Ah bah si c'est comme ça, on s'installe à Soumagne. Willy est en ligne, bonjour. Bonjour. Je vous présente la petite Sarah. Bonjour Willy. Bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe. Bonjour Willy. Le petit Jérôme. On vous a sauvé alors. Ouais. Je vous présente Claude aussi. Je vous présente Claude qui est dans l'équipe. Willy, Claude. Ah oui. Oui, je vous présente Sophie qui est dans l'équipe aussi. Willy, Sophie. Dites, on n'est pas chez au cabinet militaire. Bonjour, non, bonjour, c'est bonjour. C'est pour faire croire qu'il y a du monde, ah, oui, oui. Sinon qu'il n'y en a que trois. Vous voyez bien, quand on applaudit, ça fait juste... Oui, c'est un peu terne, hein, oui. C'est... Voilà. Il nous manque Thierry Luther, ce qu'on appelle dans un instant. Il est en France, évidemment. Et c'est le Diable Rouge. Vous avez fait quoi de votre week-end, Willy? Oh, pas grand-chose, pas rien de thé. Ah bah, ah. Hey. Ça, bien au moins, ça. C'est le Sud. Et vous savez qu'on a une imitation oui. parfaite de Christophe Maé depuis que Nevy est venu. Comment il avait dit encore, Nevy, l'imitation de Christophe Maé? Ding, ding, ding, ding. Très bien, c'est lui. Ouais. Voici le Kikadi de ce matin. À vous d'identifier l'auteur de cette phrase, un cadeau à la clé, et puis un mot imposé à Jean-Luc Fonck. Kikadi, vous m'avez critiqué après l'Italie, mais je vous pardonne. Qui a dit ça? Stéphane Powels? Kevin De Bruyne? Ou la reine Paola? À votre avis, Sarah? C'est Chouchou, non? C'est Kevin De Bruyne. C'est qui Chouchou? Ah, c'est Kevin De Bruyne, dit-elle. Oui. Jérôme? Oui, oui, bah forcément. Oui, ça ne peut pas être Stéphane Powels, évidemment, puisque lui est l'instigateur. Et la reine Paola, bon, ou alors c'est vieux, mais... Ah, il y a peut-être des polémiques qui vous ont échappé. Willy, vous êtes sur quelle réponse? Oh, ben je vais me venger avec tout le monde, je veux dire Kevin De Bruyne. Eh ben vous avez raison de suivre la masse, effectivement. Vous m'avez critiqué, mais je vous pardonne. Willy, est-ce que vous avez critiqué Kevin De Bruyne? Non, pas du tout, pas du tout. Donc c'était pas pour vous, Sarah, vous avez critiqué Kevin De Bruyne? Jamais. Jérôme, vous avez critiqué? Bah lui, il joue pas de haut but, évidemment. Hein, donc, non, mais il est passé à côté de son match face à l'Italie. Voilà, ça arrive. Hein. Ouais, il s'est rattrapé ce week-end. Bien sûr. Hein, la passe à Lukaku sur le numéro 1, c'est lui. Willy, les médiévales de la citadelle de Namur. Nous avons des invitations pour vous pour les médiévales 2 et 3 juillet. Vous profiterez des chevaliers, des épées et autres cotes de mailles. Bravo, Willy. Ah, c'est sûr. Oui, c'est super. Merci. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc pour le live de vendredi? Troubadour. Pourquoi troubadour? Parce que ça représente la liberté pour moi. Ah ben alors, vous êtes de l'univers médiéval. Tout à fait. Nous sommes donc bien tombés. Willy, je vous embrasse, passez une bonne semaine, à bientôt. Oui. Bonne journée à tous. Salut. Ciao, ciao, ciao. Dans un instant, Monsieur Luters, est-il à Bordeaux ou est-il déjà à Nice où les Diables jouent mercredi? Nous verrons ça dans quelques secondes. Les Ardentes. Fêtez les 10 ans du festival du 6 au 10 juillet à Liège. Avec Indochine, Aaron, Alice on the Roof, Les Innocents, Ibrahim Malou, Big Flo et Oli, IBI, Musti, Christophe, Nekfeu, Mark Ronson et Pharrell Williams. Infos et réservations, lesardentes.be. Avec Vivacité, l'aide de RTC, Télé Liège et Métro. Alors, tu veux une bleue, une rouge ou une blanche? Eh, une dorée. Une dorée? Ouais, une Chimay dorée. Une bière légère et rafraîchissante, réservée aux moines de Chimay depuis plus de 150 ans. Toute la noblesse des bières de Chimay dans une bière blonde de caractère, avec des arômes discrets d'agrumes et d'épices. Imagine ça accompagné d'un morceau de fromage de Chimay en plus. Ouais. Oh, le top! La Chimay dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Ils se sont donné une mission, foncer vers leurs rêves et assurer leur avenir. Leur arme, leur passion. Comme eux, forme-toi un métier en alternance. Rendez-vous le 22 juin lors de la journée porte ouverte IFAPME. Toi aussi, passe à l'action. Plus d'infos sur ifapme.be. Avec le soutien de l'Union européenne et de la Wallonie. Vivacité et la 2 présente les Bikers Classics. Les 2 et 3 juillet, la MotoGP fait son retour sur le circuit de Spa-Francorchamps. Lifestyle Village consacré aux café racers. Parades, concerts, courses d'endurance et présence de champions tels que Giacomo Agostini, Christian Sarron ou Bradley Smith. Tickets et informations sur bikersclassics.be. Un événement DG Sport. Le 8-9. Et si on prenait 2 secondes pour la question d'intérêt général? Prenons-les. Le Belge n'est plus le plus taxé d'Europe. Charles Michel estime que les résultats commencent à porter leurs fruits. Que lui enverriez-vous pour le remercier? Vous avez été nombreux hein, sur la page Facebook. Des centaines. Hein, je il y a eu du boulot. Ouais. Alors là, bon, j'ai mis mon dimanche à lire. Antoine Lambert, un tax shift pour toi, Brooke. Petite référence, ma trois filles. Pierre-Jacques, mais c'est bien sûr, ce sont les fruits des mers. Les fruits des mers. Allez, au bulot, bande de crabes. Oh, au bulot, c'est beau. La quick du jour, tous les sacs de caisse seront payants et beaucoup plus chers qu'actuellement désormais. Comment nommeriez-vous cette nouvelle mesure? Bon, vous répondez sur la page Facebook du 8-9, nous corrigerons ça ensemble demain. Et tant que vous êtes sur les internets, allez sur vivacité.be, cherchez la revue de presse de ce matin. Toute l'équipe qui commente le journal, notamment la terrible histoire arrivée à ces 6 supporters des Diables Rouges qui garent leur van à Bordeaux et puis ils reviennent après la fête au centre-ville. Il n'y a plus de van, plus de voitures, plus d'argent et plus de billets. 2 x 6 billets de football qui ont disparu. La sale histoire est sur vivacité.be et vous verrez ce qui est arrivé à ses supporters en fin de parcours. 8h54, eh bien, appelons la France à proximité du camp de base des Diables Rouges. Mesdames et messieurs, Thierry Luters, bonjour Thierry. Je vous ai compris. Ah, bonjour la Belgique. La France. La France est là. Thierry, la d'abord Gaulle. Des petites nouvelles perso et puis on parle vraiment de sport. Vous, ça va? Vous êtes bien traité? Ah ben, vous me manquez, hein, vous me manquez terriblement. Ouais, on n'y croit pas une seconde. Bon, alors, bon bah, écoutez, la région est agréable, hein, franchement. À part qu'il pleut un petit peu trop, mais c'est quand même un haut lieu de la gastronomie. En tout cas, l'hôtel, nous trouvons. Alors, niveau pluie, nous sommes servis sur la même longueur d'onde. Bon, alors, on revient sur ce qui s'est passé samedi, mais la priorité, c'est déjà le point à prendre mercredi. D'abord, sur samedi, est-ce qu'à l'interview après match, les Diables étaient un peu revanchards, en mode « ça, le journaliste, je vais te dire, et le public, tiens dans ta tête ». Est-ce qu'ils étaient en mode revanchard? Quand même un peu. Ah et ouais? Le problème, ouais, ils l'étaient, parce que moi j'ai rencontré notamment Hazard et Emuni après ce match-là, mais toute la presse dans le même sac. Ça, c'était pas tout à fait honnête intellectuellement, parce que tout le monde n'a pas tiré à boulet rouge sur l'équipe et sur le coach après la défaite face à l'Italie, donc il aurait fallu faire un peu le tri. Mais bon, évidemment, à chaud, les joueurs, ils ont d'autres considérations en tête. Et Marc Wilmot savait en conférence de presse une sorte de colère assez contenue, si j'ose dire, mais c'est sûr que ça a fait taire quand même pas mal de détracteurs, en tout cas temporairement, ce succès face à l'Irlande. Et est-ce que ça crée un sale climat? Donc il y a eu les critiques, ils se sont défendus, c'était un peu dans les cordes, ici ils sont revanchards, et ça sent peut-être même « je me vengerai le moment opportun ». Est-ce que ça met un bon climat? Il y avait la semaine ici au sein de la délégation. Thierry, même, je précise qu'on a quelques coupures à cause de la liaison, donc je vous refais la question, est-ce que ça met un sale climat? Ouais, ben, le climat est un peu bizarre parce qu'on sent bien que les journalistes se regardent parfois en chien de faïence. Il y a un petit peu quand même le clan des plutôt pro-Wilmots et le camp des plutôt anti-Wilmots. C'est un peu plus nuancé que ça, évidemment. Mais bon, avec les joueurs, ça a été un petit peu tendu. Mais c'est le coach qui a pris quand même l'essentiel des critiques après le match face à l'Italie, ce qui est un petit peu injuste, il faut bien le dire. Mais maintenant, un vent d'optimisme règne à nouveau. Je pense qu'on va battre la Suède et qu'on va aller en huitième de finale. Et là, après, un nouveau tournoi va démarrer. Et si on a un petit peu de chance, ben, on aura peut-être une partie de tableau plus facile que prévu. Ah bah alors, une chose à la fois. Donc, mercredi, tout le monde dans notre groupe joue. La Belgique rencontre donc la Suède de M. Zlatan. Il nous faut un point. Est-ce qu'on va tomber dans l'effet euphorie? Parce qu'on a l'impression que le tournoi a vraiment démarré pour les Diables. Est-ce qu'on tombera dans l'euphorie? Non, pas du tout. Parce que là, ils veulent absolument être deuxième. Troisième, ce serait une toute autre histoire. La Suède, en 2 matchs, ils n'ont pas eu un tir cadré. Donc, je pense quand même que c'est un adversaire qui est à la portée des Belges. Zlatan, il touche pas un cuir. Bon, vous allez me dire, il peut se réveiller sur une phase, un coup d'éclat ou un coup franc. Mais je pense sincèrement qu'on est supérieur à la Suède et que ce match-là, à Nice, où nous partons demain, eh bien, on va le gagner. Mais on peut encore être éliminé. Hein. Si on est battu, alors je vois que M. De Warzé est extrêmement optimiste. En et effet, pointilleux. Si on est battu et que l'Irlande bat l'Italie, oui. On est éliminé. Et alors là, le perroquet épouse la vieille et je deviens reine. Évidemment. Ah, je sens quand même qu'il y a un petit doute. Vous voulez pronostiquer Belgique-Suède, Jérôme? Non, alors je vous signale que Belgique-Irlande, j'avais dit 3-0. Vous n'êtes pas revenu dessus. Soit, mais je vous le dis quand même. Donc, Belgique-Suède, je dirais 2-0. Il dit 2-0 pour la Belgique. Sarah? 2-1. 2-1 pour la Belgique. Zlatan, il va se réveiller un moment, je crois. Oui, ah, je dis 1-1. Je dis 1-1 avec un but de Zlatan. Ouais, je sens ça. Un mot sur Lukaku, aligné ou pas mercredi, ou cette fois il a mérité le banc, ou il a gagné le banc? Bah, chapeau à Wilmots qui l'a maintenu malgré toutes les critiques et il a bien fait de le maintenir. La première période a encore été un petit peu laborieuse pour Romelu, mais après il met 2 buts. Je trouve que le premier but est très joli d'ailleurs parce qu'il est quand même hors du rectangle et il donne une frappe puissante et très bien placée. Donc maintenant il ne va plus sortir de l'équipe. Je pense d'ailleurs que avec Nainggolan à la place de Dembélé qui est blessé, je pense que Wilmots a trouvé son 11 de base, d'autant que Meunier aussi a marqué des points à l'arrière droit. Oui. Et 2 secondes de psychologie avec Sarah, parce que Wilmots a dit si Lukaku je le mettais sur le banc en deuxième, je le perdais pendant tout le tournoi. Ouais. Ça a du sens. Et en même temps, on perdait peut-être le match. Ouais, ouais. C'est lui qui ouvre. Ah, on ne pouvait pas savoir. Quel sang-froid quand même devant le Gaulle. Un mot sur Eden Hazard, puisque les étrangers se déchaînent sur lui, le plus grand bluff. Un mot sur Eden Hazard, rapidos, Thierry. Bah, quand même, une action à coup d'éclat comme il fait pour amener le troisième but, c'est de Eden Hazard pur jus. Il a même fait un grand pont sur l'arbitre assistant. Ouais, en le contournant, ouais. Ouais, il m'a dit qu'il était dans mon chemin, il fallait que je l'évite. Et donc, c'est hasard, évidemment. Hein. Il est capable de coups d'éclat comme ça. Donc, pour moi, incontournable dans l'équipe, comme De Bruyne, deux joueurs dont on ne peut pas se passer. Vous partez à quelle heure à Nice ? Dépotrominet, on a loupé le début de la phrase. Si ça tombe, il a dit un truc super important. C'était Thierry en direct de Bordeaux qui suit donc les Diables avec Manuel Jus et toute l'équipe RTBF Sport. Bien sûr. Merci les gars, bonne journée. Dans un instant, l'info. Vous serez des millions à suivre les Diables pour l'Euro 2016, à filmer ces instants de joie, d'émotion et de fête, en famille, entre amis ou en solo. Devenez peut-être les héros de notre documentaire « Les Diables et moi » en envoyant vos meilleurs moments vidéo pendant l'Euro sur la page Facebook RTBF Sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur ? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Ah Denis, vous avez entendu Thierry en France. Il a de la pluie aussi dans la région de Bordeaux. Il n'y a pas que nous, heureusement. Eh non, bah oui, c'est une maigre consolation. Hein, on va le prendre ainsi. Mais c'est vrai qu'il y a à nouveau des zones de pluie bah, qui vont, en effet, hein, du sud de l'Atlantique en France jusqu'au Nord-Pas-de-Calais et qui vont encore affecter notre météo aujourd'hui. Alors, avant cette zone de pluie qui arrive maintenant sur la région de Tournai-Lille, on a une petite ligne avec un petit peu de bruine qui arrive à hauteur de Namur et de la SB. Et bien entre les deux, on a une petite accalmie et on a encore actuellement quelques éclaircies sur l'extrême est du pays. Donc de fines pluies, des moments d'accalmie, voilà pour aujourd'hui. 15 à 19 degrés, c'est un petit peu frais pour la saison. Demain, eh bien on aura encore assez bien de nuages le matin sur le sud-est, mais des éclaircies qui vont s'élargir. 16 à 21 degrés, on peut parler d'amélioration pour mercredi avec des maxima qui vont remonter entre 21 et 24 degrés. Vous écoutez Viva, il est 9h. Le temps de l'info, Simon Gérard, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Le travail reprend à la prison de Forêt après 55 jours de grève. Oui, décision prise en Assemblée Générale vendredi, le travail reprend, mais l'état de la prison n'a pas changé, le bâtiment est très délabré. Résultat, le bourgmestre de Forêt rencontre le ministre de la Justice, Koen Gaen, cet après-midi et Marc-Jean Geysels demandera une nouvelle fois la fermeture pure et simple de l'établissement pénitentiaire. Je lui ai rappelé, et je crois que c'est un excellent juriste, que je n'ai pas d'autre choix. Le bourgmestre est responsable de la sécurité sur sa commune, notamment en matière de bâtiment. Et donc, à partir du moment où ce bâtiment représenterait un danger pour les occupants, je n'ai pas d'autre choix que de le faire fermer, soit totalement, soit partiellement, en fonction des ailes, puisque vous savez que la prison de Forêt est constituée de quatre ailes différentes et que la situation dans les ailes n'est pas la même. Une interview réalisée par Bruno Schmitt. En bref, les dépôts de carburant de Feluy, le plan incliné de Ronquière et l'écluse d'Avray sont bloqués depuis 6h ce matin. La FGTB mène des actions de blocage pour protester contre les mesures du gouvernement fédéral. Puis des membres de la CSC manifestent en ce moment. Ils manifestent avec le ciré devant les bureaux de l'Office des étrangers. Ils sont une centaine à demander au gouvernement de revenir sur la décision de fermer 10 000 places d'accueil pour demandeurs d'asile. Écoutez Jean-Christophe Van Coppenol, permanent CSC. Le gouvernement a décidé de manière brutale et unilatérale de fermer 10 000 places d'accueil. Et ceci va causer un grand tsunami social dans le sens où 1000 personnes vont perdre leur emploi sur l'ensemble du réseau. Le gouvernement, se basant sur les chiffres de ces deux derniers mois, estime qu'il y aura beaucoup moins de candidats réfugiés et donc il ferme des places d'accueil. Cette prévision nous paraît irréaliste et en tout cas plus qu'optimiste dans le sens où nul ne sait combien de candidats réfugiés arriveront demain. Donc pour vous, c'est un mauvais calcul et le risque, selon la CSC, c'est que tout le travail de création de places soit à refaire dans les mois à venir. Pour nous, ce n'est pas un risque, c'est quasi une probabilité dans le sens où l'année passée, on est passé de 1 à 10 au point de vue demande et...